changer métier. Changer me dit toujours dit nous. D'autres choses ont devenu nouvelles. M'va le raconter nous qui ça, qui passe un jeune garçon à Canada. Où qu'on est? Les jeunes hommes arrivent au Canada, ne veulent pas bon pas travailler. Ils ne veulent pas gagner la vraie vie. Ils veulent venir nous les léger. Les chances pour lui. Il y a un grand monde. En forme. Mais on a aussi un grand monde. Le grand monde fait monsieur déclaration. Monsieur content, c'est Gabon, nous sauver. Et puis pour monsieur, il faut monter dans le pied à très jeune voilé. Et pourtant le prenant Lyon. Ah, bah, il va t'appeler quoi pour arriver, le bois attendez. Ah, oh, le monde dit chéri. Dans la caille. Et vive la caille, malé, pour qu'on m'aime plus les premiers marches escaliers. Dans mon enfant, deux mêmes chez notre avelle. Oh oh, ça va, Lili. Chérie, allons faire le plein. Allons faire le plein. Allons faire le plein. Alors, le fou, tant pis. Dans mon enfant, deux mêmes chez le fou, tant pis. Et faiblesse, c'est finalement pas arrivé, déjà, monsieur, pas de sentir le podium. On va, monsieur, commence à trembler. Et monsieur qu'on est, non faire le plein, monsieur pas pompis. Ni pas Texaco, ni pas Shell, ni pas Esso. Les pompes gasoline côté Léa, Guéamoko, Petro Canada. Monsieur qu'on est le blague basol, pas possible basol en mêlée. Aïe aïe aïe. Zachary va l'équipe, papa. J'ai dit bon, chéri, je ne vais pas docteur parce que je me sens que je ne suis pas capable. Donc on a dit, mais dégage-moi le docteur, m'attends nous. Même chéri, veut le docteur, le docteur dit, sans senti. Il dit donc, je me sens que je ne suis pas bon. Je me sens tout le temps d'être crasé. Je sens tout le temps d'être crasé. Donc on a dit bon, je vais le prescrire. Mais ça m'a prescrit là, c'est pour prendre trois fois par jour. Mais soit pour. Wap pren lambi bou kone, grenadia, carotte, grenadine, kachiman Québec. C'est pour que tout bagay ça, c'est ça que vous sauvez ou ça passe par la nuit. Dis donc, c'est pas le tout nous. Parce que l'entendez, grand monde, il souffre, il est quel content. Il vient pour l'après, les migrants ont fait de vitesse supérieure pour la demander, moi. Vitesse supérieure pour la pandémie. Et ma balle de vitesse supérieure quand même. Et ma balle nous, dimension. Vitesse supérieure. Eh bien, vitesse supérieure, c'est 48 sur 8, 5 ferros, bonne sous côté, des calambas, bloc, son boy. C'est alors. Monsieur commence à prendre médicaments correctement. Et puis, bonjour, comme on a relevé, monsieur dit, chérie, venez essayer, non. Venez essayer, non. Mais essayez à ce que vous vivez. Gasoline, vous avez trop gasoline, est trop plein. Vous avez fait, vous avez fait, vous avez fait, vous avez dit, oui, oui, chérie, tant pour faire, vous avez fait là. Plutôt acheter un rigoise, un assassinat, ma côté d'ivoire. Plutôt battre ma veste dans l'eau. Pas capable encore. Pas capable. Je vais la droite du point.